Bonsoir à tous et bienvenue dans Memento Mori numéro 666. Ouais, salut tout le monde. Spécial Anti-National Fest. Ouais, carrément, on va parler de... De l'Anti-National Fest. De musique relativement violente comme d'habitude. Et on va passer tous les groupes. Ouais, au moins, ouais. Au moins ça. Voilà. Deux fois chacun. Et en plus de ça, on est quatre ce soir, c'est pas souvent. Ouais, je suis revenu. Non, ça se fait. J'étais parti en vacances. Ouais. Donc voilà. Au pays du black metal. David était un traveler, tout le monde le sait. Donc, en fait, c'est moi qui remplace Abad dans Immortal. Il est parti faire une balade en chamois. Et du coup, c'est toi qui vas remplacer le bassiste de Abad qui est parti parce qu'il y avait des paroles qui parlaient un peu trop de christianisme à son goût. Peut-être. C'est un secret. Belle intro, hein. Ah, ça commence très bien. Je veux dire, tous les fans de black metal et qui écoutent notre émission sont tout à fait satisfaits. Ah, je sais pas si on a on va pas parler black metal. Dont David. On va enchaîner, bah du coup on va commencer par un groupe qui jouera à la NF, hein. On en parlera plus tard, on pourra en parler beaucoup même. Ça s'appelle Zone Infinie, donc c'est issu de leur tout dernier LP qui est sorti en 2017, hein, donc c'est pas tout récent. Donc voilà, c'est de l'album qui s'appelle Rester et fuir. C'est déjà fini, ouais. Zone Infinie. Bah oui, forcément, quand on met pas des morceaux de Doom de 7 minutes, il y a un moment, ça va vite. Hein. Donc, ouais, écoute, punk rock, ça dure 2 minutes, 2:30. C'est très bien. Très bien, tu vois. Au moins, non, mais c'est pas relou 2:17. À mettre 10 fois le refrain, tu vois. Il y est de façon 3-4 fois maxi. Juste le temps de bien le retenir, de pouvoir le chanter tranquillou. Exactement. C'est très très bien, tu vois, mais c'est pas relou. Non, pas du tout. Moi, personnellement, j'aime beaucoup ce groupe. Du coup, ça rappelle les vieux groupes. Ah bon, David, t'aimes bien ce groupe? Alors, c'est bon, Mitch. Ouais, on a fini. Donc, pour ceux qui connaissent pas, du coup, c'est un groupe de Saint-Etienne. Mais c'est Lyon. Parce que, j'ai lu une très bonne interview sur d'un fanzine bordelais Divergence. Qui vient de sortir, du coup. Un très bon fanzine déjà à la base, pour commencer. Oui, tout à fait, tout à fait. Et du coup, ils expliquent bien qu'en fait, ils étaient peut-être que deux en fait, de Saint-Etienne, et le reste était de Lyon, l'autre il était de Lyon, il y a deux Lorrains dedans, enfin donc en fait, Saint-Etienne, c'est pas tout ça. Ouais, Saint-Dié, enfin Lorrain, quoi. pour rester plus. Non, mais c'était le petit clin d'œil. Tout à fait, oui. Rends l'étape même. Ah, plus précis. Donc le morceau qu'on vient d'écouter s'intitule Le Tunnel, hein. C'est le premier morceau qu'il y a sur leur nouveau LP. Ouais. Si ça vous intéresse, je crois. Non. Est-ce qu'il devait faire leur release party oui, mais là dans le mois de juin, ça sera annulé. Le batteur s'est fait mal. C'est ça. Voilà. Donc logiquement, ils joueront le samedi 7 juillet, donc à la brasserie du Roulier au Val d'Ajol. Voilà, en tête d'affiche. Waouh, la chance qu'ils ont. Ouais. Wow. En dernier, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est moi, c'est moi. Il y a, cool. y a deux semaines, on a joué en dernier, mais on était pas en tête d'affiche, tu vois. C'est pas, pas vraiment. Donc, on peut toujours se fier à ça. Oui, mais sauf que, tu vois, eux, ils vont jouer en dernier à l'ANF, donc c'est-à-dire vers 11h30, minuit. Oui, c'est pas. Que nous, on a joué à 4h du matin. C'est pas la même chose, effectivement. C'est pareil. T'exagères. 3h15, pardon. Tout va bien. On va continuer avec un groupe qui passe à l'ANF. Alors, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Doom Sisters. Donc, j'ai jamais entendu parler. Ça me dit quelque chose. Voilà, c'était forcément à moi de le passer plus ou moins. C'est compliqué. Ouais, c'est ça, tu vois. Moi, bon, j'ai choisi le morceau Ça sera sans nous, comme cette année l'ANF, c'est avec vous. Voilà. Issu donc. le rigole. Issu du split avec Per Capita, donc, qui était sorti en 2015. Et juste après, on va écouter un groupe qui passera pas à l'ANF, du coup. Ce sera Crown Court, un groupe de oi punk anglais, plutôt cool. Le titre c'est Brotherhood of the Band et l'album c'est Capital Offense qui était sorti en 2016. Voilà, on écoute ça. Bonsoir, vous êtes toujours dans Memento Mori, on est en train de discuter. Voilà, à l'instant c'était Crown Court, un groupe anglais, oi punk. plutôt cool. Et juste avant, c'était Doom Sisters. Groupe, plutôt cool aussi. Hein. On peut le dire. Dans l'ensemble. Ouais, on peut dire voilà, ça. Donc qui passera à l'ANF cette le année. Le samedi aussi. Samedi. En deuxième. En tête d'affiche. En deuxième. Deuxième tête d'affiche. Deuxième tête d'affiche. Donc en deuxième. il y a 15 têtes d'affiche, quoi. C'est ça. Bah oui, c'est ça, l'ANF. Ouais, c'est ça que des têtes d'affiche. Voilà. Bon, alors on va parler d'une autre tête d'affiche qui jouera donc le samedi. C'est Camorra, un groupe du Pays Basque espagnol. Que dire de ce groupe, voilà, donc c'est du gros grindcore bien brutos, avec une grosse voix. Après, ils sont plus dans le délire quand même, voilà, punk, squat et compagnie, donc ça fait partie de la scène, ça fait partie de notre scène dans tous les cas, donc c'est très très cool. Le split que je vais mettre, c'est un LP avec RAS, ou RAS, je sais pas comment on dit, qui est un groupe aussi basque, du même style, quoi. Groupe c'est gros, en polonais, ouais, peut-être. Non, c'est pas polonais, ça. non, c'est sûr, non. Non. Du coup, c'est des activistes en gros de la scène San Sebastian, Donostia et compagnie. Sorti en 2013. Camorra a un nouveau chanteur, c'est celui de Dinfest, groupe français basque aussi. Pas Infest, le super groupe américain. Ouais. Oui, on s'en doute. Mais le groupe Grind, Bayonne, c'est ouais. Ça. Ouais. Donc, oui, bah c'est pour ça que c'est Pat qui m'a contacté. Ouais, c'est ça, ouais, c'est lui qui. Enfin, non, c'est cool, ça, en fait, parce qu'il connaît. Il assure bien sur scène et tout. Ouais, il a une bonne présence. Du coup, l'enregistrement, c'était pas lui. Donc la voix est peut-être moins brutos. Ok. La voix, elle était vraiment caverneuse. Quoi, sur ouais, c'est vrai qu'il a priori pas trop cette voix, mais non, bon, mais il bouge à mort sur scène. Du coup, en live, ça risque d'être plutôt clairement. Positif. Quoi. Donc, je vais mettre deux titres parce que ça dure pas longtemps, c'est SIA et Backstage. Le groupe d'après, j'ai découvert ça il y a très très peu. Tu mets trois morceaux, toi. Ouais, mais ça dure deux minutes, après l'autre deux, enfin tu vois, rester tranquille, personne m'a rien dit, c'est ce que je veux, en fait, tu vois. On m'a pas dit ce tu vas le faire. On était occupé à découper du fromage. J'ai pris l'initiative. Donc, c'est un groupe de Berlin, sorti sur Counteract Records, un label marseillais qui fait des trucs assez cool. Donc il s'appelle Humanity is a Curse, donc le nom du groupe. Hein. L'album Raging for a Lighthouse, le titre Pelagique. Donc c'est un groupe qui mixe le crust, le sludge en gros, quoi, avec des sonorités un petit peu modernes. Et c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà, on s'écoute Camorra et après Humanity is a Curse. Voilà, c'est terminé. Finalement, on passe de la musique, mais on discute surtout beaucoup. On est en réunion aussi, hein, c'est le principe. Ouais, c'est doublement spécial. Tous les jours. Hein. Donc à l'instant, c'était Humanity is a Curse, voilà, de l'album Raging for a Lighthouse, donc sorti là cette année. Voilà, donc si vous aimez bien un peu ce style, n'hésitez pas à contacter Counteract Records, qui est un label du coup pour l'occasion, qui reverse tous ses bénéfices à la cause animale. Qui est quand même pas si mal. Et le groupe d'avant, Camorra. Donc vous retrouvez le samedi 7 juillet au Val d'Ajol. Je n'ai terminé. Attends, j'avale et puis. Mais toi, t'es pas prêt du tout là. Je sais pas ce que t'avais de là. T'es en touriste, tu vois. Je ramène sa baguette. Jamais été aussi peu près. Non, mais tu vois, c'est moi qui serais tombé sur diffuser Aval. J'aurais pu faire une blague d'enchaînement. Ah. Et ben voilà. Et là, je me retrouve à répondre au mail l'an dernier pour la répartition. C'est qui passe Aval? Attends, si c'est que ça, tu passes. C'est toi, je te prête mon cahier et tu le fais. Je sais pas. S'en fout, on passe formaliser pour ça. Non, j'ai déjà prévu. C'est Mounet du coup. C'est Mounet. Mais pour une fois qu'on est tous, c'était plus réactif que toi. Au mail, j'ai décidé de pas être réactif. J'ai vu le mail en premier et j'ai pas répondu. Ouh, c'est pas pareil. Je suis responsable. Et du coup, tu t'en mords les doigts encore. Ouais, les doigts. On va dire les doigts. Donc du coup, on va se passer Ordure, qui est un groupe de Lyon et sa banlieue. Plutôt grindcore, hein, oui, globalement, ouais, clairement. Oui, c'est un peu d'ess, hein. Voir un peu brutal. Non, mais oui, c'est du un grind. Un peu d'odos, non, quand même, non, pour le principe. Voilà, avec des gens de. C'est pas de Warfuck, je vous dis Love toujours, Gun. De Love Gun. Voilà, t'as dedans. Le Ben Hou à la guitare qui jouait dans Eurostar et dans Horse Nation au tout début. Voilà. Et puis le Chris de Carcavoul. Et de Carcavoul. Voilà, donc, voilà, donc ouais, c'est un super groupe, des super gens. C'est super bien. Ça va être super rigolo aussi, je pense. Donc ouais, voilà, c'est un espèce de mix de tout ça. Et juste après, on va s'écouter Benighted, parce que. Ah, il joue pas à la NF. Parce que j'ai joué au Trust et j'ai pris une baffe, quoi. C'était exactement ce que je voulais dire, David. Comment t'as deviné? Non, mais voilà. Toi, tu t'es pas cassé une hanche. Bah non. Parce hanche que... des chutes, hein. Bah oui. C'est bien. C'est... Hanche des chutes. C'est, c'est bien, oui, toutes ces blagues que personne ne peut comprendre. C'est parfait. Bah si, ils comprennent. Donc du coup, voilà. Benighted, groupe français de Brutal Dodos depuis pas mal de temps. Déjà maintenant, moi j'avais suivi ça de loin en disant oui, c'est un groupe de dodos, on s'en fout un peu. Et en fait, pour les avoir vus sur scène, ouais, c'était ça m'a pas mal soufflé. En fait, c'était très très solide. Donc voilà. Écoutez, et puis non, même pas. Et pour le coup, c'est un groupe de dodos qui en fait pas des caisses. Et ça, c'est vraiment cool. Ça a changé alors. Non, et bah écoute, cool, là. Ah ouais, là, ouais. Non, mais j'ai pas vu Ouch, mais. Bah si tu veux, juste avant, on a vu Pillory et Walking Dead Orchestra. Ouais. Ça, on faisait oui, vachement ça pose plus du pied sur les retours. Ce sont des groupes plus petits, et finalement. Ouais. Qui assure pas vraiment des grandes cahuètes et qui mettent plus la forme avant le fond et Benighted c'est un peu l'inverse, ils mettent des grands tapis de double bien en avant, extrêmement solide. Oh, voilà. C'est des super bons musiciens, mais oui, c'est les... Non, mais c'est. Ils sont un peu dodos, oui, c'est vrai. Bah, quand je les avais vus à l'Obscène, bon, voilà, c'était un peu. Ah, mais c'est l'Obscène. Oui, et puis c'était il y a longtemps, donc. Ils surjouent pas. Ça... Oui, oui, non. Ouais, mais... ils font leur truc. Non, mais bah après, c'est bien joué. Ils prennent un plaisir à le faire, et puis voilà. Puis non, mais ça assure tellement aussi que finalement, tu pardonnes plus de choses aussi, quoi. Voilà. C'est vrai que moi qui n'ai pas forcément un toc dans le style là, j'ai bien aimé aussi. Ok, allez, là-dessus, on écoute. Ordure et juste après, Benighted. We'll be right back. Jove Noé. Voilà, c'était B90 à l'instant. Voilà, grosse claque du Hootchfest. Très solide. Moi, j'étais devant, je me suis dit, ouais, je sais pas si j'aime beaucoup, mais c'est tellement, ça joue tellement bien, je vais rester. Voilà. Et juste avant, c'était Ordure, avec leur morceau D. Comme D, c'est la réponse D. C'est pas un peu l'alphabet leur truc C'est tout au début et après. C'est les lettres du groupe en fait. Ah oui, voilà. Et je me dis que du coup, si Jack and the Bearded Fisherman faisait ça par exemple, ça ferait un super long. LP, quoi. Voilà, c'était. Ordure, ça fait 5 minutes quoi. C'est ça. Bon bah voilà, on a fait une blague sur l'alphabet, c'est cool. Ouais. Qu'est-ce qu'on passe après Tu vois Bon, David, je crois. Ouais. Ouais. Alors juste du coup, attends, pour précision, Ordure fait une petite tournée là pour l'occasion, du coup pour je sais pas si c'est exprès, mais moi, peut-être quand même. Du coup, ils se font quelques dates en Suisse, ils jouent le dimanche à Dijon. Ah voilà, ils font 4-5 dates autour de ça, donc c'est plutôt. Bah, tu sais maintenant, nous c'est comme le Hellfest, hein, les groupes bouclent la NF et puis ils font une tournée autour. Tout à fait, Guillaume. Merci. Bon, si tu veux d'autres interventions comme ça, tu m'appelles. Hein. Ouais, je dirai plus rien. Ça fait longtemps que je t'ai pas venu. C'est ambiancé, hein. T'as des regrets? T'as plus l'habitude, hein. Non, ça va plus. Bon, bah, sérieusement. Bon, bah, salut. On va passer à un groupe qui jouera aussi le samedi. Il y a que des groupes qui jouent le samedi, là, pour le moment. Mais c'est bien, en fait. Non. On a un truc le vendredi, quand même. T'inquiète. Ordure, c'est pas le vendredi? Non. Non, moi, j'en ai du vendredi. Théoriquement, on passe tous les groupes, donc. Peut-être qu'en fait on a mal booké le truc, il n'y a aucun groupe le vendredi, il y a 15 groupes le samedi. C'est possible. Ce serait dommage. Voilà, pour le coup, moi c'est un jeune groupe de Tübingen en Allemagne, donc c'est pas très loin d'ici. Il s'appelle Bong Thrower, donc un bon mix dans le nom, j'aime beaucoup. Ça m'étonne pas. Et ils font, bah du coup, clairement vous allez juger vous-même, mais bon, ça sent vraiment l'électrique cuisarde à plein nez. Ah bon? Mais ça pourrait sentir le Doom tout simplement, mais les riffs sentent vraiment électriques bizarres. Donc, genre les riffs, le son, le logo. Le son, c'est peut-être pas fait exprès. Le concept. Bon, voilà, ils adorent ce groupe, je pense. Donc ça s'appelle Bong Thrower. C'est un peu plus gras quand même, quoi. C'est moins chanté. Oui, c'est plus gras parce que c'est peut-être enregistré dans une cave. Non, mais même la voix. La voix, non, c'est pas gras la voix. Ah ouais? Elle est... Ah, je croyais. Après, ils mettent Acid Doom, hein, déjà sur le style, sur leur. Déjà Acid Doom, c'est particulier, quoi. Bah, c'est les mecs de Acides qui font du Doom. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas un truc que je crois pas que ce soit ça, non. Oh, ça va, j'ai une grosse journée. Mais bah, non, ça passe. C'est un jeu de mots moyen, mais ça passe. C'est acceptable. Nous aussi, on a des grosses journées, on n'est pas. Oui, bah, ça viendra, hein. Quand on arrive au dessert. Donc. Est-ce qu'on a des petits muffins à la bière là? Solide. Préparé avec beaucoup d'amour. Bah, c'est pas de l'amour pour nous, mais c'est beaucoup d'amour quand même. Donc c'est bien. Donc voilà, nous allons écouter Bong Thrower. Donc c'est issu de leur démo, le seul truc qu'ils ont sorti depuis qu'ils existent. Voilà. Voilà, donc on aurait pu écouter toute la démo, hein, mais bon, on va arrêter là. Bon, je pense qu'on a compris le concept, c'est très très bien, ouais, c'est très Electric très Wizard. Cool. Ça va être bien en live. C'est planant comme musique, ça va. Ouais. Bah, disons que c'est bien parce que c'est moins cher qu'Electric Wizard, et finalement. Hein. Ouais. Ah, c'est cool aussi, c'est des petits trucs, des petits groupes que personne connaît. Donc bah, c'est ça, ouais, bonne c'est chose. Un truc de qualité, mais voilà. Quoi. Et puis, mais toi, c'est. Enfin, toi, niveau kilomètre, c'est vraiment tout près de chez nous. Quoi. Tu mignonnes, c'est 2h30, donc c'est vrai que tu te dis, bon. Il y a des groupes sympas, pas loin, bah, je ne ouais, connais pas spécialement. Ouais, c'est clair. C'est le Grand Est, quoi. Bah, c'est le Grand Est, mais y a, voilà. Ah, on peut dire que c'est un groupe local. Ouais, ouais. On peut presque dire ça. On va continuer dans les groupes qui jouent à l'ANF. On va passer d'abord LMDA, alias Le Mal des Ardents, groupe de fastcore strasbourgeois. Moi je dirais plus Power Violence, mais bon, on est dans les styles. Ouais, ça, ça pourrait tirer sur le club hardcore, mais ça. Non, ouais. On va dire que ça part pas souvent, mais c'est vachement bien foutu. Enfin, ouais. Bah, on les avait vus en live avec Mitch l'année dernière, et bon, le groupe était peut-être encore tout jeune, mais ça nous a pas marqué outre mesure. Non, bah, donc, la soirée-là était ratée globalement. Ouais, hein. Voilà, c'est ça. Donc, entre ça qui était pas top et Déluge derrière qui était nul. Ouais, mais quelle idée d'aller voir Déluge aussi. Bah, il y avait LMDA. On voit un peu. Donc là, voilà, bah, donc du coup. Moi je les ai, bah, du coup, on a joué avec eux il y a pas longtemps. Ouais. Bah, à Tübingen, là d'où vient Bomb Thrower pour le coup. Et non, c'était très bien. Enfin, c'est bonne claque, c'est cool. Super bien. C'est... Ouais, c'est vraiment le Power Violence moderne, quoi. Ouais, c'est vraiment moderne, mais c'est... Chose, quoi. C'est vraiment du ouais. Style là, quoi. Il y a le son, il y a tout. Enfin, c'est cool. Moi, j'ai vraiment pris une bonne baffe. Et... Bon bah, très il y avait bien. Déjà pas de bassiste. Ouais. D'accord. Attends. C'est... Oui, oui, il y avait juste un chanteur, les quatre cordes. Oui, oui. Ouais. Oui, merci. Oh. Allez, et on va... Oh, oh, il est là. On va te sortir. Hein, ouais. Là, du coup, en dessous là, tu vois, on va t'y amener. On va t'amener chanter du fado en bas. Ouais. Moi, j'ai dit Rissoy, je ferai moi le malin, mon petit gars. Peut-être. Voilà. En attendant, nous on va écouter le morceau qui s'appelle The Hateful. C'est sorti de, bah, ouais, ça doit être une démo ou un 7-inch, je sais pas trop. C'est le titre, c'est 2, donc leur deuxième démo, je suppose. Et juste après, on va enchaîner avec Karn, donc groupe de que Doom. Que Mitch adoré passer, mais du coup, il a répondu trop tard. Après, Doom, Sledge, déjà passé. Avec plein de Larsen ultra cool. Voilà. Vraiment un super, super groupe du style. Le morceau, ce sera Bad Toast, et issu de leur dernier album, Modern Rituals, qui est sorti l'année dernière. Voilà. Yeah! coup. Et voilà, vous êtes toujours sur Memento Mori, spécial, on passe les groupes de l'ANF. Ah non. Alors c'est marrant parce que du coup on passe des groupes de l'ANF et puis entre temps on fait une petite réunion. Exactement, réunion ANF, c'est, hein, c'est, organisation. C'est cool. Donc juste à l'instant c'était Karn qui joue le vendredi, le samedi. Vendredi. Le vendredi. Vendredi. Voilà, enfin, c'est le groupe Doom du vendredi. Yeah. Et avant Karn c'était LMDA, donc groupe de Power Violence. Qui joue aussi le vendredi. Quel voilà. Beau petit bug du vendredi, Arnaud, ouais, excellent. Exactement, on a rétabli la balance. Mais bien sûr, tout est calculé, tu crois quoi. Donc voilà, donc les deux groupes étaient plutôt cool. Ouais, ouais, deux styles bien différents, mais ouais, qui, sont, ça, qui ouais. marchent très très bien. En plus, c'est des groupes à faible nombre de personnes sur scène. Oui, à l'MDA, ils sont trois. Il y a moins de bouche à nourrir. Tout va bien. Ouais. Ils viennent à 10, mais ils sont deux. C'est vrai que niveau hébergement, on est plutôt sans. Non, c'est tranquille là, effectivement. Ouais, c'est, en c'est tout cas. Karn, j'ai très très hâte de les revoir sur scène. Ouais. Donc, Crestaton, on les avait ouais, fait jouer. Ouais, c'est ça. C'était une soirée. Dans un lieu très sympatoche. Vraiment excellente. Donc les revoir dans des conditions similaires, ça va être vraiment excellent, je pense. Sûrement mieux même. Ouais. Avec, ouais, ça peut être. Bah, je vais essayer de faire mieux. Ouais. Bah, je sais pas si ce sera facile, hein, parce que je pense que si c'était moi la dernière fois qu'il faisait le son, je pense qu'on était vraiment au maximum au top. Capacité. Ah là, et comment aller mieux quoi. Donc je pense que ça va être très compliqué. Quoi. La barre est très très haute. Ah bah, et Mouné il est là, et alors, juste au-dessus c'est le soleil. Et puis ça, l'ambiance de la Krusty Grange, tu vois, tu peux pas tester. Déjà rien que ça. Faut pas dire. Bon, en parlant de bonne ambiance, mais de groupe qu'on ne fera pas jouer parce que finalement ils ont beaucoup trop de routes à faire pour venir, ben on les fera pas et ils joueront ailleurs. Dijon, ah, tu sais, il y en a qui vont essayer. Ça c'est. Passé assez moyennement bien. Très tardivement. Ouais, c'est ça c'est très mal goûté. Relativement. Voilà, donc les groupes que je parle, en tout cas, là, c'est Met Lepard et. Met Lepard. Ou Metz. Bah, c'est toi l'expert, David. Bah, je dirais Metz Lepard. Metz Lepard, Metz Lepard. Bon, peu importe. Groupe de Metz. Metz, mon amour. Et l'autre groupe, c'est Power Chuck. Mais Power Chuck, j'en ai déjà passé, je crois. Donc, j'ai décidé de ne pas en mettre. Bon. C'est comme ça. Bon, non, mais t'es bizarre. Bah, j'ai déjà passé, puis je veux autre chose. Bah, trop long, voilà. Du coup, Met Lepard, donc c'est un groupe australien qui a un duo grindcore ultra bourros, ultra metal. Non, mais c'est vraiment du gros grain qui tâche à mort. La description, c'est vraiment un résumé. Camara, c'est brutos. Non, mais il y a des graines qui sont bourros. Il y a des graines violents, mais là, c'est vraiment le haut du panier. C'est ultra grain. Ouais, ouais. Du coup, le titre c'est True Lies. En fait, je crois que c'est pas sorti, c'est juste pour un clip qu'ils ont fait. Enfin, du coup, c'est ça que j'ai vu sur internet. En fait, peut-être sorti après sur des Seven, je sais pas, mais du coup, là c'est sorti spécialement pour un clip. Voilà, donc eux ils sont en tournée, donc les deux groupes là, je sais pas, début juillet, enfin 2-3 semaines en fait en Europe. Et voilà, malheureusement, on devait les faire donc à l'ANF, mais finalement ils jouent à Bordeaux et à Dijon en fait voilà. Le week-end là. Bah, ils sont à Bordeaux et le dimanche à Dijon. Voilà, parce qu'ils sont à Madrid le vendredi. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué. À la base, on les avait calés, c'était noté sur leur feuille de route, puis finalement, en regardant la carte, parce que les Australiens ils se rendent peut-être pas compte. Ouais, non, mais après, il y a des mecs qui habitent dans la Meuse et qui se rendent pas super compte que il faut dire que l'ANF c'est le vendredi et le samedi depuis toujours. Il y a des erreurs de booking. C'est pas très grave, après c'est bien passé. Les groupes ont trouvé des dates, nous on a trouvé des groupes, c'est l'essentiel, mais bon, ça aurait été bien quand même. Personnalisé, voilà. On lui en veut pas. Hein. Non. Donc voilà, donc là, Met Lepard, et juste après, Magruder Grind, parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas passé, peut-être que quelqu'un a déjà passé, je sais pas. Oui, moi j'en ai passé il y a longtemps. Ouais, c'est ça, je me suis dit que ça faisait longtemps, là j'ai réécouté ça. Et je me dis, mais écoute, quel est ton choix quel album ? J'ai pris le 2. Le LP 2016, c'était pour mettre des trucs voilà, qui venaient de sortir quoi. Ouais. Enfin, oui, c'est celui juste après qu'ils aient changé de batteur du coup. Ouais. Non mais voilà, c'était pour mettre les trucs un peu plus actuels quoi. Effectivement. Oui non, après ça reste sympa. Ça reste que moi ça me plaît bien quand même. Hein. Oui, j'ai passé un morceau du split avec. Enfin vous m'emmerdez, j'ai bien passé ce jeu non avec Shitstorm, tu veux dire par exemple. Voilà donc deux. Ouais, donc tu LP veux pas passer 2016. Tu veux pas passer un morceau là où il y avait encore le batteur Straight Edge, c'est ça que tu veux dire vraiment. Bon, ça m'importe peu. Hein. J'aime bien les Straight Edge, mais bon j'ai pas fait ça pour ça. Donc le titre c'est Sacrificial ailleurs, du coup le clip qu'ils ont fait aussi quoi, c'est un peu sûrement le tube un peu c'est du groupe de disque. Gang qui font des clips ouais bah écoute ils aiment bien tu sais, à regarder c'est cool aussi tu vois quand tu mets sur YouTube machin ça passe bien ils sont quand même passés dans VIP la série hein. c'est quand même assez solide quoi je veux dire. Voilà donc oui. Un bon duo un bon enchaînement de 1.45 1.48 de grindcore australien et américain ça passe crème et en plus c'est des super groupes. We'll be right back. Voilà, c'était Magrougou. Magrougou dans le grind. Ouais, je sais pas trop, c'était quoi le mix. Bon, après, sorti d'un clip, alors du coup, c'est toujours un peu bizarre, peut-être des fois. Les trucs en fait, c'était juste un teaser que tu nous as mis. Non, du tout. Bon, attends, non, c'est un titre suffisamment long. Hein, c'est l'algorithme de YouTube qui nous a balancé le même truc. Et tout de suite, on s'écoute Mayhem. Voilà, donc c'était Magrougou dans le grind, qui est pas du tout en tournée en ce moment. Et mettre les pardes, donc là, que vous pouvez voir en Europe d'ici peu. Mais pas à la NF. Voilà, non, mais bon, ouais. Vous pouvez aller à Dijon, vous pouvez aller, je ne sais trop où, mais en tout cas, c'est cool. Oh là là. Ils jouent à l'Obscène Extrême, gros festival Grain. Oui, j'avais dit, évidemment. Évidemment, c'est une valeur sûre. D'ailleurs, c'est les 20 ans de l'Obscène, il faut y aller. Si vous voulez vraiment voir des trucs dégueulasses, c'est le moment. Il y a une très très très belle affiche. Hein, ah oui, mais il y a toujours une belle affiche. Il y a toujours une belle affiche. Non, pas toujours. Il y a des qui sont un peu en dessous, mais c'est très solide. Cette année, elle est vraiment cool, style, c'est ça. C'est quand même, après, bon, il y a l'ambiance du festival, quoi. C'est pas la même qu'à l'année. Non, mais moi, j'aime bien quand même. Tu retires des passages des crétins. Ouais, mais il y en a quand même beaucoup, quoi, en fait. Il y en a partout, mais là, il y en a beaucoup, puis c'est un peu sacralisé, tu vois. Oui, les crétins, ils se retrouvent en photo sur l'affiche de l'année suivante. Enfin, c'est que les gens qui n'ont jamais vu, qui n'ont jamais écouté du grindcore et qui découvrent ce style. Ouais, ça donne pas la meilleure image du truc. Ils disent, waouh, c'est ça. Tu peux. Non, mais du coup, c'est que tout le monde se dit, c'est un truc où on peut faire les débiles, donc tout le monde fait les débiles encore pire que dans les concerts classiques. Ouais, et puis il y a une espèce d'escalade. Oui, escalade de la bêtise. Ouais, c'est ça. Tous les festivals un peu grind metal, c'est un peu ça. Mais bon. Ah, mais celui-là, quand même. Ouais, particulièrement quand même. Il est gratiné, moi. Après, bon. Remarque, c'est pas le pire en réplique tchèque non plus, quoi. Fécal parti, tu vois, par exemple. Mais c'est peut-être un peu le même public quand même, quoi. Ouais, carrément. Bah, du coup, tu prends que le gore, du coup. Après, c'est les organisateurs aussi qui. Et le sexisme. T'écrases bien, tu vois, en avant. Ah oui, non, mais après, à côté de ça, l'Obscène Extrême, quand on y était il y a 10 ans maintenant, c'était pour les 10 ans qu'on y avait été en 2009. Non, c'était pas les 10 ans, mais. Non, c'était 9 ans, c'était 2000. C'est 4, ça a commencé en 4. C'est 2009, on y était. Peut-être 99, t'as raison. En même temps, si c'est les 20 ans cette année, ça a commencé en 98. Ça veut dire 98, c'était 2000. Enfin, bref, l'année où il y avait Napalm, Municipal West, Dishir et tout ça. Notion de base de calcul mental. Voilà. Je suis même Tomori, l'émission qui vous apprend les choses. Mais n'empêche qu'il y a 10 ans. Il parle tout seul. C'était quand même. Pour une fois, je dis pas une connerie, s'il vous plaît. C'était quand même un festival où il y avait tout végétarien partout. Ah oui. Il y a 10 ans. Toujours, ceci dit. C'est... Non, mais bah, je veux dire, au-delà du côté. Il y a des très bons côtés, on est d'accord. Il adore le caca, mais à côté de ça, c'est quand même assez politiquement engagé. C'est quelque chose qui m'échappe. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas pris une droite par un grand chevelu qui écoutait Napalm Death et puis qui était nazi, quoi. Oui, c'est ça. Ah, des fois, il y a des mecs de la Sécu un peu louches. Voilà, ça reste un public quand même assez large, de coup. Ça brasse un peu tous les bah, quand dès que tu commences à ramener un peu plus de monde, tu peux. Mm. C'est ça, c'est toujours pas grave. C'est un peu empiré, quoi. Disons qu'il y a 10 ans, c'était pas pareil. C'était plus confidentiel aussi. C'est vrai que maintenant, tous les dodos d'Europe se disent. Bon, ouais, c'est ça, c'est quand même un festival à petite échelle, hein. Je veux dire, c'est pas non plus le truc. Oui, oui, mais. Oui, bah, c'est, on reste quand même dans le grindcore, donc c'est pas. Oui, bah, après, bah, les mecs pour aller voir un Alcunt, oui, forcément, il y en a pas 4 millions, quoi. Mais, Oh, et tu. Un Alcunt, tu sous-estimes un Alcunt, quand même. Ouais, bon, attention, hein. Bon, allez, on voulait passer des groupes, je crois. Et c'est même à toi. Et puis, on a bientôt, c'est bientôt l'heure de l'agenda en plus. Et qui. On en a, en fait. Bah, non. Bon, je vais aller sur le site de Stéphane, comme d'habitude. Ah, purée de pois vert. Donc, du purée de pois vert, vraiment. Mais depuis qu'il a un gosse, il jure plus. Ah non, mais. Purée de pois vert. On a l'antenne là. Mais attends, ouais. Et moi je regarde Gulli H24, je vais te dire, il n'y a plus un gros mot. Hein. Ah, on a pas la télé en ce moment à la maison, Mitch. Hein. Enfin, moi qui n'ai plus de télé, alors c'est très très bien. Donc, du coup, pour. Qu'est-ce que je voulais. Qu'est-ce que j'ai dit que je passais. Oui, on va continuer avec l'Anti-National Fest avec Nothing Clean, un groupe qui passera le vendredi. Groupe anglais. Qu'on a booké en 15 minutes d'ailleurs. Ça, c'était vachement bien. On était dans le camion. Voilà. Un peu plus longtemps, le temps de discuter quand même avec Adeline de Paris. Mais ça s'est fait dans l'heure, quoi. Quand même. Donc, si tu veux, il y a des groupes où tu leur envoies un mail, faut 2 semaines pour qu'ils te répondent, je sais pas, je te redis dans 2 semaines. Et tu as des groupes qui, voilà, ils te répondent 30 minutes après, grand max, en disant ok, c'est cool. Hop, c'est plutôt confortable, effectivement. C'est plus simple. Mais bon, bref. Voilà. Groupe qu'on connaît un petit peu parce qu'ils ont fait un split avec Onasnop, grosse claque de l'année dernière à la NF. Ouais. Et voilà, donc pareil dans le style power violence, leur disque il y a 45 morceaux dessus, ça doit pas dépasser les 20 minutes. Enfin, voilà, grand classique. Et juste après, on va s'écouter Turnstile. Alors je voudrais rendre hommage à Pedro de Saint-Dié que je sais pas, je lui ai pas fait confiance musicalement sur 2-3 trucs parce qu'il aime pas les Vampass, et du coup je me suis dit quelqu'un qui aime pas les Vampass a forcément mauvais goût, et il arrêtait pas de nous saouler avec Turnstile tout le temps. Et bah oui, bah y a des indices, tu vois, voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve à passer des trucs japonais complètement inaudibles. Voilà. Mais c'est toi qui en passerai à la prochaine fois. Ah putain. Ça va être dur. Non, en fait, on a tout ami, c'est eux qui fait pendant 2 heures. Mais que des trucs qu'ils détestent. Ah, c'est dur. Parce la gueule, quoi. Parce que on va. Joke, là. Dans les prochaines émissions qui vont venir, là, on va voir si on fait la prochaine ou dans pas longtemps. On tease, on fera une petite surprise. Ouais. Je me suis dit qu'on allait faire une émission. En fait, bah, dis pas trop non plus. Bah non, on va balancer. Je balance pas. Validé encore. Laisse le concept dans le flou. Il faut teaser. Voilà. Non, mais je pense que les gens qui ont écouté ont plus ou moins compris de quoi il s'agissait. On va faire présenter des groupes aux autres gens de l'équipe, c'est-à-dire voilà. Que les trucs dégueulasses de japonais d'Arnaud, c'est moi qui vais devoir les présenter. On va les choisir en fonction, surtout. Voilà. Et moi, je vais être réduit à passer les Vampass. Bah super. Merci, ça va être génial. Mais du coup, on choisira que des morceaux nuls des groupes. Quoi. Ouais, ça va être la pire émission. Non, je pense qu'on peut se mettre une règle de présenter vraiment des morceaux qui nous plaisent à nous, oui. Et qu'on est sûr que ça plaira pas du tout à la personne qui va les présenter. Ah, ça c'est facile, hein. Ça on va bien rigoler. Ouais. Non, mais si, ouais. Et donc, on est open, nous. On est... Voilà. Mais ouais, bon, ça va. Tout ça pour dire que. En fait, le seul qui va souffrir, c'est Mitch. C'est ça. Oh, tu sais, fais-moi confiance. Les trucs de pop dégueulasses, tu vas adorer. Ça c'est que c'est pas évident non plus. C'est la plus longue intro du monde pour présenter deux groupes. Eh non, mais là c'est trop tard, gros. Il va être 9h, c'est l'agenda. Après, c'est non, mort. Hein. Genre, j'ai le temps, j'ai le temps. Les morceaux sont très courts. Et donc, du coup, Pedro qui nous a parlé, enfin qui m'a parlé en tout cas 15 000 fois de Turnstile, un groupe ricain de. Bon, plutôt hardcore, hein, clairement. Et j'avais dit, ouais, pourquoi pas, je m'en fous un peu. Et j'ai écouté là récemment en me disant, allez, donnons une chance. Et en fait, c'est ultra mortel. C'est. Je sais pas, il y a un peu. Je retrouve plein d'influences bien digérées. Il y a du Fugazi, du Biohazard, des trucs de hardcore plus classiques et tout. Enfin, c'est ultra mortel. Et vraiment, voilà, leur album, là, il y a de tout dedans. Il y a du chant clair un peu dégueulasse, mais ça le fait quand même. Des trucs de hardcore plus classiques, ça le fait à fond. Enfin, c'est vraiment trop mortel. Voilà, du coup, on va s'écouter le morceau qui s'appelle... J'ai pas imprimé la feuille, du coup, je vais le mettre sur mon téléphone. Qui s'appelle High Pressure. Juste après, on va s'écouter Nothing Clean avec Rapid High. Voilà, ça va être une pure tuerie. Fire! Et voilà, c'était Turnstile. Donc comme je vous disais, hein, ça a digéré beaucoup d'influences. Ah, il y a un petit clavier un peu fun comme ça au milieu. Enfin, il y a de tout. C'est trop trop cool. Des petits mosh parts un petit peu histoire de dire c'est un peu la bagarre, mais avec un bon esprit derrière. Enfin voilà, c'est ultra cool. Moi j'ai pris une bonne grosse claque la hardcore. Ça faisait longtemps que j'ai pas découvert un groupe de hardcore vraiment cool. Et ouais, je suis très content. Cool. Juste avant, c'était Nothing Clean. Bon, c'est trop solide, hein, clairement. Ouais, voilà. Bah, ça va être bien en live aussi. Oui. Tout va être bien à la NF. Ouais. Sauf Doom. Attends, j'ai pas passé tous les groupes. Bon, il est 21h01. Il me semble que c'est l'heure de l'agenda concert. Ah, c'est toujours pareil depuis que je suis pas venu. Bah oui, en même temps, on change pas une équipe qui gagne. Attends. Hop là. Alors, comme on a toujours rien préparé, merci Steph Davions d'avoir toujours un site avec un agenda concert. On commence tout de suite avec l'événement qui est clairement l'événement du mois, hein. Tout simplement, c'est le Spinabad, le 18e tournoi de badminton à Épinal. Ouvert à tous les niveaux de N1 à Pélouse. Excellent. C'est ouvert à tout le monde. Ça va être très très bien. Samedi et dimanche. Autre événement qui se passe le même week-end, qui est tout aussi bien et moins sportif, c'est le Itaway. Peut-être. Il faut voir les circuits à quelle vitesse ils sont faits. C'est le Itawak Fest à Strasbourg au studio Kawati, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Oui, parce que. Le nom. Hey, Itawak, il vient de remarquer. C'est une blague visuelle. J'aime beaucoup. J'avais fait gaffe. Moi non plus. Hey, excellent. Oh, c'est voilà. Super leur truc. Memento Mori, l'émission qui vous apprend des choses. Voilà. Et notre prochain invité pour parler de Magruder Grind, Bernard Pivot. donc voilà, Itawak, ça fait, je sais pas c'est le combienième, c'est deux ou troisième au moins, qui ont toujours une programmation ultra cool. Ils font des trucs en plein air en même temps sur leur petite terrasse là, et ça a l'air ultra bien. J'ai jamais eu l'occasion d'aller. Non. Et ça... non, mais ils ont peut-être une petite des scène de, dehors, tout ça. Ah, ils font les concerts. Ah, parce que ah, c'est petit le cas. J'ai déjà vu des photos où c'était des groupes de scrimo ou je sais pas quoi qui jouaient dehors. Ouais. Qui se plaignait de la vie en plein air. J'ai mal. Voilà. C'est toujours plus sympa de se plaindre de la vie dehors. C'est ça qui pleut. Enfin bref. C'était pas super le sujet. Hein, mais... Désolé pour les autres. Quand tu joues dehors, ceci dit, tu peux dire que t'aimes pas quand il pleut. C'est vrai. Donc du coup, il y a une affiche assez solide. Il y a Witchgood, il y a Chien, il y a Géranium. Witchgood, ça se dit? Je sais pas. Il y a un I et un E, ça fait Witch. Non. Ah, chez moi non. C'est comme les Wish Lorraine. Allez, enchaîne. Je sais pas, c'est toi. Y a Love, il y a Decibel, tout ça, il y a The Boring, il y a Jolie Faster. En fait, il y a plein de groupes qu'on aime. Il y a plein de groupes qu'on aime beaucoup. Il y a plein de groupes qu'on a passé dans l'émission, en fait, finalement. Oui, donc c'est... Ça marche très très bien. Je sais pas si c'est signe de qualité, mais en tout cas, c'est signe qu'il y a des trucs qui nous rejoignent. Voilà, que nous on aime bien, en tout cas. Le 17 juin à la Chaoué à Metz, il y a Strongasten Nidpool, c'est barré, c'est annulé. Bon, finalement, il n'y a pas Nidpool. Garo et Old Rotten Bastard qui jouent. Il y a Hystérie Collective qui fait quelques concerts quand même. Bah, c'est la fête de la musique quand même, très bientôt. Hein. Oui. Vous pouvez retrouver des groupes de reprises de Noir Désir à tous les coins de rue. Voilà aussi. Voilà. Et puis aussi des Cranberries. Ouais, c'est cool. Bah, toujours important. D'ailleurs, on va s'écouter tout de suite Zombie des Cranberries. Non. Non, vu les positions anti-avortement de la chanteuse, qui est morte d'ailleurs, c'est pas pour moi. finalement. Bah, d'ailleurs, je sais pas c'est qui a repris une de ces chansons à la radio et c'est devenu ça un truc balance, pour les jeunes, quoi, les Cranberries. Enfin, ils connaissent pas en fait. Enfin, ils connaissent pas du coup le groupe, mais ils connaissent la reprise. Ah, de The Wolf, le groupe. Ouais, j'en sais rien, c'est un truc qui passe à la radio et du coup c'est une reprise. Et c'est pas une reprise avec. Vous savez ce que c'est ce groupe-là à la base, quoi? Ouais, non, mais la plaque, ça pas. Bah, après, c'est comme plein de reprises. Oui, voilà. Grand classique. Donc, bref, ouais, il a fait de la musique, notamment à l'Otio, où il y a. Alors, il y a Hystérie Collective, les Black Corback, MC Connection, groupe de hip-hop, c'est pas souvent. Outspoken, ça, on n'en parlera pas. Enfin, je sais pas. C'est un groupe de punk rock. Voilà. Un tout nouveau groupe de punk rock. Et il y en manque un. C'est tout. Non. C'est que 4. Ah oui, c'est 4. Pardon, j'ai rien dit. Voilà, donc tout ça sur la place de la mairie à l'ETIO le samedi 23 juin, parce qu'on fait ça en samedi, c'est quand même plus sympa, quand on va pas au travail le lendemain. À partir de 19h. Exactement. Qu'est-ce qu'on a d'autre en juin? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula, oh, c'est très oi ça. La oi à Mirecourt, ça m'inquiète un peu. Oui, il y a un groupe de Singapour. Antiraciste oi de Singapour, oui. Surprenant. Qui s'appelle The. The Bois, The Boys, je sais pas, ça, peut-être que Singapour ça se prononce pas comme ça, mais. Peut-être qu'ils disent The Bois, oui, effectivement. Je sais pas. Et maintenant c'est au bois. Faudrait être là pour le savoir. On va savoir. Il y a peut-être un duo bois dedans. Ouais, excellent. Ce n'est pas marqué, mais peut-être que oui. Je crois qu'il y a comptoir KOK. C'est le truc organisé pour que ce soit mieux. Oui, non, mais il me semble. C'est vrai. Oui, seulement deux dates en France. C'est intriguant ça. Du coup, ça me donne envie d'écouter, tu vois. Mirecourt et Bar-sur-Aube. Ok. Ils ont des bons plans. Il faut continuer. Bon, les comédias, c'est bon. À la MJC, Trois Maisons. Tiens, encore des concerts là-bas. C'est cool. Le 23 juin, même soir, il y a Dande Estas, Lickers et un groupe, ça doit être du black metal post-électro, vu l'écriture, hein, je pense. C'est pas lisible, mais ça, c'est pas très black metal, donc ça doit être un peu les deux. De Nancy, on va savoir ce que c'est. Ça se joue à la MJC des Trois Maisons, c'est prix libre, ça sera sûrement cool. Le 23 juin, en tannerie, il y a The Moonshiners, Sound of Fonvery, El Billy Crows, ça va être un peu psycho tout ça. On avance, ça c'est Dijon. Oh là, mais Stéphane met des trucs de plus en plus loin quand même. Hein. Ouais, il a toujours mis mal au cas. Bah Dijon c'est pas vraiment loin en fait. Bah un petit peu quand même. Hein, bon, notre Jordan n'est pas non plus très très local là maintenant. Bah, faut dire qu'il y a peut-être de moins en moins de trucs dans le coin. Ouais, je sais pas si à l'entracte y a rien là en juin. Ouais, non, je crois pas. Bah écoute, pour l'instant. Ils doivent faire une fête de la Zikoussi à la con, mais. Oui, je pense au niveau de l'entracte. Mais... Avec des TK. J'allais faire la blague. Sûrement. Je suis ravi que tu sois revenu, David, c'est vraiment cool. Et donc du coup, faut. Je sais pas, en fait, s'il y a une police du bon goût pour les dodos. Parce que quand tu fais un truc à Lunéville et tu l'appelles Lune apostrophe Evil Fest, c'est je sais énorme. Pas si t'as encore une crédibilité métal derrière. C'est super. Ouais. C'est pas le premier. Il me semble que c'est un fest qui... Oui, ça existe depuis. Ouais, c'est ça. Hein. Ah putain, c'est terrible. Bah, si, c'est, ouais. C'est... Non, mais il est pas annulé le fest là. Si, il a annulé. Ah bon, bon. Si, je crois qu'il a annulé en fait, parce qu'il devait faire ça sur l'aéroport de Lunéville. Et je crois qu'il y a un problème d'autorisation, je sais pas quoi. Ah, je vais appeler Steph. Un truc à la con. Si, je crois que c'est ça. C'est pas... Ah si, bon, le truc était prévu, tout était posé, et machin, et je crois qu'ils ont dû annuler pour un truc vraiment, enfin, d'autorisation. Oui, c'était cool, lui, bah, oui, c'est un truc à la con. Ouais. D'accord, c'est dommage, avec Rolls, David, t'aurais pu y aller peut-être. donc, du coup, on continue. Il y a encore des concerts Rock'n'Bike, incroyable. Il y a 1984, enfin 1994. Avec 1349. C'est un petit peu moins haut, il a. T'as une rude journée, David aussi. Hein. La soirée de chelou, quoi, ça ramène que des apos. Que des apos, quoi. Apo oi, apo black metal. Quoi. Ouais. C'est parti, quoi. Allez, on y va. Quoi. Tu verras qu'à la fin, ils se mettront sur la gueule quand même, les deux. Ouais, donc ça se passe le 30 juin au Rock'n'Bike à Boismont, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, petit bar sympa s'il en est, avec un vieux briscard qui tient le bar, ouais, c'est assez marrant. Le mec qui préfère Oberkampf à tout ce qui passe aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup des comme ça et ça me fait toujours marrer. On arrive sur quelque chose d'assez sympa, le 6 et 7 juillet. Ah oui, National Fest. Petit festival. Donc, alors pour le faire vite, parce qu'on en parle déjà toute la soirée, l'Anti-National Fest numéro 11, qui se passe donc à la Brasserie du Roulier au Val d'Ajol. Voilà, on en a déjà parlé une paire de fois, hein, mais c'est un petit lieu extrêmement sympa, avec tous les groupes qu'on est en train de passer ce soir. Voilà, on va tous vous les faire. Il y a tout sur place, c'est sur deux jours. Il y a de quoi dormir, il y a de quoi manger, il y a de quoi boire plein de bières artisanales faites spécialement pour l'occasion. Il y aura de la sérigraphie, il y aura des tatouages, des petits flash tattoo. Vous pouvez vous tatouer le logo Anti-National Fest tout le week-end. Les afters sont animés par Jean-David Harmony. Ah, attention. Excellent after karaoké. Voilà. Ça promet. Il était aussi à l'Itawak. Ah oui, non, mais donc il est demandé. Il est très demandé. Hein. Il fait les Eurocaine aussi sur la main stage là. Oui. Donc animé par Jean-David, et puis l'autre soir, c'est notre ami Clem qui passera du son. Voilà, donc, qui va nous mettre du rock. Le 8 juillet, juste après, si vous voulez vous remettre un petit peu de tous les groupes de Power Violence, vous pouvez aller voir Marcel et son orchestre chez Narcisse. Ah ok, j'ai vu qu'il jouait, ok, c'est là. Ouais, c'est déjà sold out, un truc comme ça. Oh, bah, c'est probable. Mais bon voilà, donc ça c'est le dimanche 8 juillet chez Narcisse au Val d'Ajol. Et il y a le 20 et 20 juillet, c'est déjà le East Summer Fest à Dieu-le-Loir, à côté de Nancy. Alors de mémoire, je crois qu'il y a No One is Innocent et pas mal d'autres trucs. Enfin, comme d'habitude, la programmation est solide. Une affiche tout à fait correcte, hein. Enfin, voilà. dans à l'image de ce qu'ils font, hein, au niveau des groupes. Oui, c'est très dub, reggae, metal, punk. C'est ça. Il y a un gros mix, mais en fait, un peu comme nous, c'est tous les gens qui sont dans l'assaut, en fait, qui écoutent plein de choses différentes, et du coup, ça, ça remixe un peu tout ça. C'est un petit fest qui a l'air sympa quand même. Tout avec un bon esprit, voilà, c'est vraiment cool. Et on aura l'occasion d'en reparler. Il y a le festival du Pied Orange chez Narcisse les 28 et 29 juillet, avec entre autres, parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a le Fofora en acoustique, il y a Pigalle, il y a Tagada Jones pour changer, les Mahones, il y a et plein d'autres choses. Je pense qu'on en reparlera, on passera une paire de morceaux. Oui, on va sûrement faire une petite émission en juillet. Oui, voilà. Logiquement. Et juste pour finir sur août, un petit peu, on aura le temps d'en reparler aussi. Il y a Fred Anden 13 et Demedagar qui jouent dans un lieu à confirmer à Nancy. Voilà, ça va se passer bientôt. Ça sera cool. Et juste après, qu'est-ce qu'on va s'écouter ? Parce qu'on a encore fait 10 minutes à dire des conneries, finalement. On va écouter Zone Infinie. Encore un morceau qui s'appelle Zone Infinie. Ah, excellent. Est-ce que c'est le morceau que tu passais à 8h du matin en République tchèque ? C'était Zone Infinie de Zone Infinie. C'est Zone Infinie. Bon, j'arrête avec Zone Infinie. Oui. J'en ai passé deux, je me fais engueuler parce que je monopolise le truc. Donc, non, c'est non, mais après, non, on a quand même Zone Infinie qui passera à l'Anti-National Festival. Voilà, oui. On a essayé de rappeler. La tête d'affiche du festival. Et vous êtes le bien samedi. Sur Memento Mori. Sur 107.bar, sur Radio Game Ozo. À Saint-Etienne-Lermiron. avec Marcus qui nous fait la régie. En animation. Qui nous supporte depuis. D'ailleurs, il a des lunettes qui clignotent, c'est vachement cool. L'agenda, t'es fini ? Bah oui, tout à fait. Il vient de passer un titre, David. Non, mais je crois que c'était pour couper l'agenda. Non, l'agenda, j'ai dit les conneries, là. On a arrêté, non, mais on va enchaîner, arrêté, là, d'ailleurs. En tant que t'es pilote, c'est... Non, mais... On n'est plus les us et les coutumes. C'est perdu, moi. Juste pour dire, voilà, Zone Infinie, c'est cool de les faire cette année, quand même, parce qu'on avait voulu les faire il y a 2 ans, si je me souviens bien. Ouais. Et ils avaient changé de bassiste au moment-là, du coup, ça s'était annulé. Hein. Non, mais là, ce qui est cool, c'est que le batteur s'est blessé. Oui, mais il sera remis. Ouais, bon, oui. C'est pas. Ouais, si. C'est le temps, si, il se remet plus vite que l'éclair, c'est bon. Mais bon, bref. Okay. Bon, alors on va écouter Matraque Attack et Travolta. Voilà, deux groupes qui jouent aussi à la NF. Voilà. Alors Matraque Attack, groupe de crust de Liège. Voilà. Oui. Un crust grind, hein. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Avec un son qui sort un peu des productions que je passe d'habitude. Là, je m'échauffe pour l'émission, je vais passer des trucs sur moi pour moi. Et puis moi je vais passer Travolta, donc c'est un groupe de fastcore power violence de Belgique. Donc c'est un groupe qui a quelques années. Alors, sauf qu'eux ils sont flamands, si je me souviens bien. Envers. Ouais. Donc c'est la partie flamand. Ouais. Donc ils sont aussi en tournée du coup. Oui, ils font une tournée pour l'occasion. Enfin, ouais, une grosse tournée du coup au moins de 7-10 jours, je crois. Donc c'est plutôt classe. Mais ouais, groupe fastcore très politisé, c'est très chouette. Très drôle aussi, parce que Travolta déjà... Oui, dans le nom. Mais... C'est vraiment aussi dans la grande lignée du Power Violence, c'est avec des jeux de mots. D'acteurs et autres. Ouais. Donc voilà, Matraque Attack et Travolta. Marcus. C'était du coup Travolta et juste avant c'était Matraque Attack. Travolta rapide. Hein. Ah bah une minute, oui. Un peu hors violence. C'est bien. C'est ce qu'il faut. C'est bien, nous ça nous convient, on aime bien. C'est très très cool comme ça. Ok, du coup moi je vais rester dans un truc rapide, ça dépend ce que j'ai dit au niveau de l'ordre. Peu importe. Suspense. Aval. Ouais, bon on va mettre Rocasten. Pour commencer, si tu veux, ce sera pour rester rapide, sinon c'est, mon truc c'est bouffé quoi. Du coup, Donc Strongasten qui joue le vendredi le 6. Strongasten, bah voilà, pour ceux qui écoutent la radio, il n'y a pas vraiment besoin de présenter. C'est un groupe de fastcore, un peu trashcore de Metz, qui existe quand même depuis quand même au moins 10 ans, hein, au moins, facile, voire 15. Bah, même plus. Ouais. Bah, là, je sais pas, ils ont pas fait, jamais, je sais pas s'ils ont déjà fait des anniversaires, des conneries comme ça, mais. Non, non, à la foutre. Bah, ils ont fait le Hellfest quand même. Bah, du coup, le LP que je passe, moi, il est de 2007, hein, donc c'est déjà quand même, ça a quand même déjà 11 ans, quoi, donc c'est quand même pas si mal. Le titre. On a des cours de maths, hein, au fond. De la vision, ah, oui. Oh bah écoute, c'est des calculs relativement simples, David. Bon, mais tout à l'heure on s'est quand même trompé. Tu t'étais on, mais c'est toi. Mais disons que sur 2018-20, toi, on tombait pas juste, c'est un peu dommage. Il y avait un truc qui n'allait pas. S'il vous plaît, je reprends la main. Donc Strongasten, donc le titre c'est Play Fast or Apple Pie. C'est un grand classique. Il est très très vieux, mais en attendant, c'est un titre qu'on aime énormément. Et j'ai fait quelque chose de récent. Ils ont fait une compile cover du coup que de reprises de groupes hardcore aussi assimilés dans le style. Donc là c'est une reprise de Cross Out, un groupe américain, voilà, de Pure Violence. Du coup le titre c'est Pure Delusion. Le groupe d'après ce sera Aval. Mitch, tu veux faire un petit jeu de mots là parce que tu avais une intro travaillée visiblement. Bah, non, j'ai plus la bouche pleine, du coup je peux plus le faire. Voilà. C'est dommage. Mais je pense que tu peux prendre la croûte du fromage. David a l'air d'avoir la bouche pleine. Un bon gros muffin là. Muffins à la bière qui sont excellents d'ailleurs. C'est ultra excellent. Voilà, ouais, parce que le meilleur truc de cette soirée c'est les muffins. Ah, mais j'ai pas goûté encore. Donc Aval c'est un duo post-punk de Metz avec notamment Christelle qui joue aussi dans Strongasten. Ouais, qui est tout récent d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est un groupe assez récent. Ouais. Donc là, elles viennent de sortir, un LP One Side. Donc là, en juin, là, ça vient de sortir sur Blackout Brigade et Specific Records. Ils ont déjà fait pas mal de dates, quelques tournées. Donc c'est un groupe quand même bien, bien, bien actif. L'album, il s'appelle Incisive et le titre, c'est The More, The Less. Moi, quand j'étais petit et que le rock'n'roll est arrivé en Allemagne de l'Est, les communistes ont dit que c'était subversif. Mais ils avaient peut-être raison. Faster up and fly! We'll be right back. Oui, c'est ça. À l'instant, c'était Aval, donc duo post-punk de Metz, et juste avant, les gloires Lorraine de Stongasten. Pardon. On arrive vers la fin de l'émission. Ouais, ça sent, commence à faire un peu lourd là, tu vois. Plus trop la pêche. C'est long. C'est toi d'abord. Non. Non, c'est moi d'abord. Du coup, on va passer du Géranium, donc encore un groupe qui passera à l'ANF, qu'on a déjà passé plein de fois dans cette émission. Mais ça fait toujours plaisir. Ouais, c'est clair. Donc, du coup, le morceau c'est King of Ignorance et ça vient du. Pas celui-là. Non, moi je l'ai jamais passé ni ce morceau ni ce split là. Split avec Finistère, peut-être que moi. Ouais, ça vient du split avec Finistère. Du coup, donc c'était pas ça. Moi c'était le split avec Link. Ouais, voilà. Okay. Non, il me semblait bien. Voilà, c'est ça. Semblait bien que c'était. Ouais, c'est ça. Donc en exclusivité sur Memento Mori, le split avec Finistère de Géranium. Et juste après. Et juste après, donc on va enchaîner avec Ceinture Noire. Donc c'est un groupe de Nancy. Qui ouvrira le samedi. Qui ouvrira le samedi, donc c'est un groupe assez récent. Donc c'est, moi j'ai leur petite démo là, enfin petite démo CD qui est plutôt classe. Ouais, c'est bonne gueule, la pochette est super cool. Ouais, non, c'est propre, c'est pas que sympa. Donc le morceau s'intitule Du diesel sur les écailles. Ce morceau s'intitule Du diesel sur les écailles. C'était une petite intro blocaise. Excellent. Mal fait. Oui. Il y a s'intitule dedans, ça marche. Hein. Wow. J'ai pas fait s'intitule. J'ai dit s'intitule normal. Vous connaissez Shape of Misery. Bon, on passe pas blocage là, on passe. Allez, relou le géranium. Donc allez, allons-y. Non, c'est une guerre. C'est certain. C'est bien du coup. Ok, c'est terminé. Vous êtes toujours sur Memento Mori. Donc, émission le 14 juin, émission spéciale Anti-National Fest. Donc, qui se déroulera le 6 et 7 juillet à la brasserie du Roulier au Val d'Ajol. Voililà, donc là, c'était. On venait d'écouter juste Ceinture Noire. Et juste avant, c'était Géranium. Ouais. Donc, moi, une belle surprise de Ceinture Noire parce que j'avais pas écouté le Scud avant de venir. C'est une émission tout à fait préparée. On va dire, voilà, morceau choisi à l'arrache. Exactement. Bah, le nom du morceau m'a plu. Hein. Qui était du diesel et sur les écailles. Okay. Ah, il est cool. Bon, après, ils ont des morceaux. Voilà, donc, rien à voir avec le petit. Ils ont l'intro, quoi. Ils ont du étude pète. Ils ont une passion pour le jeu de mots. Le 4, archevêque du plutonium, seigneur des vers. C'est les rouilles et Notre-Dame de l'Arrache. Ça claque. C'est très bien. C'est beau. C'est un beau petit scud. C'est poétique. Très poétique. Là, on enchaîne sur Krav Boka. Ouais, tout à fait. Donc Krav Boka, dernier groupe qu'on va passer de l'ANF ce soir. Tout à fait. On a fait le tour. Donc un groupe qui change un petit peu de notre programmation habituelle. C'est un groupe de Toulouse avec deux chanteurs grecs, voire trois. Je crois qu'il y a deux grecs. Moi, dans la fiche technique, j'ai trois chanteurs. Okay. Mais bon, bref, on verra bien. Donc voilà, donc, deux grecs donc, et d'autres Toulousains masqués. C'est pas négligeable. C'est voilà, donc ils ont plus, musicalement, c'est une base batterie-guitare qui est assez métal. Et deux chanteurs hip-hop qui chantent tantôt en français, tantôt en grec. Ouais. Donc ça apporte une touche tout à fait sympatoche. L'album c'est Canette à la mer, sorti en 2017. Le titre Erevos, voilà, donc le titre est plutôt cool. Après, ils ont la race de clips. Ouais, là-dessus, ils sont. Du coup, je sais pas, ils doivent avoir 15 clips de qualité en plus. Enfin, tu sais, c'est pas des trucs tout pour off, quoi. Donc, je pense qu'ils aiment bien cette petite promo comme ça, quoi. C'est une bonne prod dans leur truc. Hein. Ouais, non, c'est carrément propre. Hein. Donc, pour faire un peu, voilà, pour les gens qui connaissent pas, c'est un peu le style à la Moscou Death Brigade, quoi, dans les trucs actuels. Il y a même quelques intros qui, limite, me font penser à du Announcer ou à du Korn, tu vois. un petit côté presque des fanéo métal dans le son. Mais après, tout voilà, c'est dans les intros. Après, tout ce qui court derrière fait très hip-hop, donc ça passe bien, quoi. C'est sûr, engagé. Je sais pas, mais il y a un moment, j'ai décroché un peu de la conversation, je suis revenu, j'ai entendu Announcer et Korn. Non, mais le côté un peu. Côté un petit peu métal en fait dans la métal plus hip-hop, métal hip-hop, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, oui, tout à fait. Et après, voilà. Et juste après, on s'écoutait Circles, nouveau groupe plutôt punk hardcore. Voilà. Mais pas mal à l'ancienne, m'a quand même bien faire les gens de Can I Say qui ont joué dans. Il y a Guillaume de Santa Cruz dedans. et voilà, qui joue aussi dans Brain Freeze, on en avait passé il y a quelques temps. Voilà, ils ont sorti leur démo, enfin, ce qui est déjà une démo assez solide. Enfin, c'est pas une démo toute pérave, quoi. Il y a un truc cool, et ils l'ont sorti sur vinyle il y a quelques temps. Là. Voilà, c'est assez sympa, et puis bon, le mec est quand même terriblement sympathique, donc c'est toujours cool d'en passer un petit peu. Bye. c'était Circle, c'est à l'instant, voilà. Alors, comme je disais, hein, voilà, punk hardcore, mais avec une voix, la voix petite, légère, aiguë. Là, un petit peu dans le style Abject Object, groupe de Paris, petite voix pareil, un petit mec avec une petite voix comme ça, un petit peu... Fluette. Ouais, c'est ça, petite voix, et du coup, c'est très très bien. Ouais, j'aime bien, c'est cool. Voilà. C'était cool, c'est vrai. Et ouais. Juste avant, c'était Krav Boka. C'est moins fluet comme voix, finalement. Non, ouais, mais c'était ultra moins, cool en fait. Ouais, non, ça passe. J'avais pas écouté, mais du coup, vraiment. Il y a ça, énergie à mort, quoi. Ouais. Ça, c'est la teuf, quoi. Du coup, c'est des punks, en plus, du coup, c'est gros. Non, non, mais ça envoie à mort. Vraiment, c'est vraiment cool. La patate, ça peut avoir très très solide. Ultra bourros, quand même. Ultra bourros, ultra brutos. C'est du hip hop ultra brutos. On va écouter un truc super dodos. Ça s'appelle. T'as déjà vu quelque chose d'autre, toi, David? Ah, si, il y a eu Zone Infinie, pardon. Alors, ouais, je vais mettre une niche d'un groupe qui jouait au Ouch Fest aussi. Ça, c'est ultra dodos. C'était. Moi, j'ai vu. Ah, mais c'est cool. Attends, c'était lesquels? C'était ceux qui jouaient pas bien, qui. Alors, ça, c'est pour lui. C'est le gratteux, machin. Solo tout pourri. Et le batteur. Tout pourri. Ils ont fait un gros pain. C'est un super vieux groupe de death. C'est un vieux groupe, ça commence en 89. Mais, hein, ouais, c'est ça, ouais. Mais je pense qu'en fait, le premier quart d'heure, ils étaient pas dedans. Et du coup, c'était voilà, le temps de chauffer un peu le truc, peut-être. Bref, y'a pas d'excuses. Mais c'était le groupe qui faisait des solos de basse et de 8 guitares à 3 là? Ah non, pas du tout. Ah putain, j'ai non, ça c'était Carcassian. Ouais, ça c'était pas bien. Non. Une liche, c'était pas mal. C'était bien le score. Et du coup, pour le. Pas tout bien. Moi, j'ai pas voulu prendre un truc récent. J'ai pris l'album Shadow in the Deep de 92. Avec un son bien à l'ancienne. Non, ah, c'est étonnant venant de toi, David. Un truc pas récent. Ah, pardon. Alors, finalement, on va. Merde, c'est que je suis nul en maths, mais quand même. Un truc récent, 80. Est-ce qu'on peut annuler le concept de l'émission où on se donne des morceaux aux autres parce que je le sens pas du tout, finalement? C'est bien le principe. Donc, c'est l'album Shadow in the Deep. Le morceau s'intitule Bloodbath. Et ensuite, Arnaud va. Et juste après, spécial dédicace à Mounet, du coup, un groupe qu'on aime bien, c'est Strafplanet. Des Autrichiens qui jouent du hardcore. Bien bourrin, bien rapide, et qui, je ne le savais pas, ont sorti un album cette année, et du coup j'ai écouté ça, c'est vraiment super cool, dans la lignée de leur EP qu'ils avaient sorti il y a quelques années, qui m'avait foutu une belle claque. Donc on va écouter Don't Complain et Apologetical Fairy Tale, donc deux morceaux issus de leur LP sorti cette année qui s'appelle Fright Sight Stress. Voilà. Drive! Ah bah, là voilà. À l'instant, on rigole bien, on rigole. Ouais, c'est ça. Straf Planet, c'est ça. Straf Planet qui jouera à l'ANF en 2019. Voilà. Avec un groupe de cyber gore peut-être. Et du black metal. On vous prépare une affiche aux petits oignons pour 2019. Les propositions tombent. Attention. Voilà donc groupe de hardcore autrichien très très bon, très efficace. Voilà. C'était Obituary mais en plus récent. Et en moins lent, ouais, quand même. Ok, bon, on va pas traîner, il reste 4 petites minutes. J'ai passé un petit groupe qui est passé à Nancy la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je ne sais plus, qui s'appelle Fuck It, I Quit. Quit. Sans vouloir t'embêter. Quit. Ouais. Oui, tu m'embêtes, mais je le dis quand même, quit. Y a pas de problème. Du coup, c'est une sorte de hardcore bien sale, ultra politisé. C'est un style bien à part, vraiment époque Black Flag, mais avec un son plus actuel. L'album c'est In the Shadow of Extinction. Shadow, on l'a dit plusieurs fois, je pense, ce soir. J'ai dit juste avant. Ouais, Shadow, c'est ça. Ah, un peu. Ouais. Le titre New American Normal. Voilà, donc. Ouais. La prochaine fois, on peut passer les Erasmus, tu. Et non. Juste après. In the Shadow. C'est vraiment cool que tu sois revenu, David. C'est ça, mais bon. Et juste après, très très vite, on va se passer The Adolescence. Voilà, avec, ils vont sortir un nouvel album bientôt. C'est encore une avalanche de tubes. C'est vraiment cool. Tu mets, ou C'est pas encore sorti, ça va arriver. Ouais, du coup, c'est quoi, c'est un nouveau morceau qu'ils ont publié juste là, en preview de, du prochain album. Bien sûr, c'est pas juste le teaser comme oui, ça va être trop cool. C'était ce gigatube d'adolescence. Il nous reste 15 secondes. On vous dit à bientôt et on se retrouve. Venez à l'ANF. Des bisous. Voilà. Salut. Bonne soirée.